Bonsoir. Bienvenue à cette conférence serrée, intime, très intime. Donc, le titre d'aujourd'hui, comment ne plus perdre son énergie en amour. Avant de passer à ça, tantôt dans la coulisse, j'ai un ami qui me demandait de te poser la question suivante. Est-ce qu'on a droit dans les négociations à conserver l'été indien? Ça, on verra. Mais c'est pourquoi on appelle ça des Amérindiens? Des Amérindiens. La définition, Yann, je te vois pas, là. Non, moi non plus, je te vois pas. Mais avance-toi. Non, merci. On va s'imaginer. Faut dire que je t'ai déjà vu avant, donc je vais essayer. Comment on cesse de perdre son énergie en amour? Je pensais qu'on en gagnait de l'énergie en étant en amour. Je pensais pas qu'on en perdait. Parce que c'est déjà un problème. Il y a beaucoup de personnes qui pensent en gagner. C'est pourquoi ils peuvent en perdre sans tout s'en rendre compte. Une des façons de ne pas trop en perdre, c'est de ne pas être en amour. Ça l'aide déjà un peu. Maintenant, lorsque l'on est tombé en amour, ce qui est ce qui arrive le plus souvent, c'est rare que les gens montent en amour. Plus souvent qu'autrement, ils tombent en amour. Et lorsque l'on tombe en amour, eh bien, on est en amour avec quelqu'un qu'on n'a pas désiré, qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a pas voulu. Mais c'est avec cette personne qu'on est en amour. Les individus qui disent, à un moment donné, « Ah, c'est la personne avec laquelle je vais finir le reste de mes jours, avec laquelle je vais passer ma vie. » Bah, s'ils connaîtraient les 5 milliards d'humains sur la planète, peut-être qu'il y aurait un peu plus de choix, puis peut-être qu'ils choisiraient d'autres choses. On va faire le tour là, pour le magasiner pour 5 milliards. Évidemment, c'est sûr qu'un par jour, 5 milliards de jours, rendu à la fin, quand tu l'as trouvé, l'autre, tu n'avais plus rien à savoir. À un moment donné, il faut que tu prennes une chance. Rendu trop âgé. Mais on en revient toujours un peu avec ce qu'on a dit au départ, au début du mois, c'est que l'être humain ne choisit pas l'individu avec lequel il va être en amour. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une femme aime un homme ou un homme aime une femme plutôt qu'une autre? C'est extrêmement subjectif, c'est même extrêmement psychologique. Et dans la psychologie de l'humain, la psychologie étant quelque chose qui est sans cesse en mouvement, sans cesse en changement et qui est totalement manipulé, bien nécessairement, même un individu peut dire « j'aime une telle parce qu'elle est belle ». Un autre va dire « t'as pas de goût ». Et deux ans après, l'individu qui se croyait avoir du goût peut tomber en amour avec une personne qui va être similaire ou, disons, collectivement plus laide. On est en amour avec un individu qui nous nourrit. On a vu un peu qu'à un moment donné, les personnes avec lesquelles on tombait en amour, c'était des individus qui, au niveau réincarnationnel ou au niveau psychologique, avaient des choses qui nous appartenaient. C'est-à-dire qu'on était capable de vivre une affinité d'amour avec une autre personne tant que ce qui, chez nous, ce qui nous appartient est chez elle, tant que cette chose-là ne nous a pas été remise, on peut continuer à vivre. Mais à un moment donné, quand ça nous a été remis complètement, l'attraction qu'il y avait entre les deux individus commence à s'estomper, mais il va être remplacé par une autre forme d'amour, qui est un amour par nécessité, c'est-à-dire que l'être humain, lorsqu'il expérimente une situation ou lorsqu'il expérimente la présence de quelqu'un d'autre, d'un animal, d'un objet, il se crée chez lui une expérience de la présence de l'objet. Et cette expérience finit par nourrir une partie de notre psychologie. Et par la suite, cette partie de psychologie qui est nourrie de la présence de l'autre, elle, cette partie-là, elle va progressivement mourir si l'autre s'en va, donc si on se sépare ou si on se laisse. Cela veut dire que lorsque l'on rencontre une personne pendant 5 minutes, ça finit là. Quand on a vécu 5 ans avec elle, si elle s'en va à jamais, il y a une partie de nous qui allons souffrir. Et même si on déteste l'autre, ça nous prend, il y a une période d'adaptation à son absence, que la personne s'en aille ou que la personne meurt. Il y a beaucoup de personnes qui vont se détester entre elles et lorsque l'autre meurt, eh bien, elle n'était pas si mauvaise que ça. Puis finalement, bon, il y a des parties chez nous, dans notre psychologie, qui se nourrissaient de la présence de l'autre. Est-ce que c'est pas justement pour ça qu'on déteste ceux qu'on laisse à un moment? C'est pour expulser le plus possible de mémoire, le plus rapidement possible? C'est très mécanique. C'est une des mécaniques de protection qui peut arriver, effectivement, où les individus, parce qu'ils manquent justement d'intelligence chez l'humain, ils manquent d'amour intelligent, ils manquent d'intelligence qui a du cœur, les individus vont transposer leur amour en haine, donc en phénomène de détestation, uniquement pour pouvoir réduire la durée, faciliter un peu. C'est plus souffrant sur le moment, mais ça dure moins longtemps. Maintenant, ce que l'humain... je donne souvent l'exemple des personnes qui aiment les fleurs et qui vont tuer les fleurs dans leur jardin pour les mettre dans un bocal. Elles n'aiment pas les fleurs. Mais si vous touchez à leurs fleurs dans le bocal, vous allez voir qu'elles aiment les fleurs. Elles aiment les fleurs dans le bocal. Mais en réalité, elles aiment ces fleurs-là temporairement, et quand la fleur commence à faner, elles n'aiment plus la fleur. Elles la jettent aux poubelles et elles vont en tuer une autre pour la remplacer. Quand je dis que l'amour humain se limite uniquement à alimenter chez soi un stimuli par la présence de quelque chose, un être humain, une parole, une musique ou simplement un objet, il y a beaucoup de personnes qui ont une vision philosophique de l'amour et qui vont décrocher un peu par rapport à ce que je dis. 99% des chansons d'amour sont des chansons où on se plaint. Bon, ces premières souffrances d'amour, c'est normal, et etc., etc. C'est normal qu'il y ait des chicanes dans la famille, c'est normal qu'on s'ennuie de quelqu'un qu'on aime, donc qu'on souffre d'aimer. C'est toujours normal. Quelqu'un qui ne s'ennuie pas, on pense peut-être qu'il n'aime pas. Quelqu'un qui n'est pas jaloux, on pense peut-être qu'il n'aime pas. Donc, l'amour humain est un amour qui nécessite, on peut même justement le dire, oui, la souffrance, et ce genre de choses. Quand je dis que l'humain aime les autres humains exactement comme il aime la fleur, ben c'est vrai. À un point tel qu'à un moment donné, on a les parents qui aiment leurs enfants. Et les parents aiment leurs enfants comme ils aiment la fleur. Quand la fleur est fanée, on le jette. Si l'enfant est fané, on le jette. Maintenant, étant donné que dans l'enfant, il y a énormément de notre génétique, il y a énormément de notre psychologie, il y a des mécaniques réincarnationnelles qui sont chez lui, plus du côté de la mère qui le portera pendant quelques mois que du côté du père, mais les deux sont dedans, c'est plus compliqué de se débarrasser d'un enfant fané. Mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout faire pour que l'enfant ne fane pas. Alors, par exemple, l'enfant qui, à un moment donné, arrive à la maison avec les cheveux teints en bleu, puis à la moitié coupés, puis etc., les parents vont opposer une résistance massive. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, comme il est maintenant, il ne nourrit plus ce que nous avons, ce que nous connaissons de sa présence. Je t'aime, mais pas comme ça. Et au nom du fait que je t'aime, c'est parce que je t'aime que je te dis qu'il faut que tu changes tes cheveux, il faut que tu changes ceci, il faut que tu changes cela. C'est parce que je t'aime que je te dis ça. Justement, on parle encore de l'amour humain. C'est parce que je m'alimente de ta présence telle que je t'ai connue que je te dis que tu ne peux pas être comme ça devant moi. L'être humain qui est capable d'amour intelligent, donc d'avoir une intelligence qui a du cœur, sera capable de vivre, de se nourrir énergétiquement de la présence d'un autre, mais sur un autre plan qu'uniquement au niveau psychologique. Et physique. Bien, ça, oui, disons que physique, on en a... Je pensais qu'on avait déjà réglé ça. Bien, juste au cas. OK. On se nourrit vitalement, mais on se nourrit peut-être pas pour le reste physiquement. Non, mais dans l'apparence, parce que tu dis... Tu parles de quelqu'un qui a les cheveux bleus. Pour moi, je parle psychologiquement. C'est un changement physique qui amène un changement psychologique. C'est ça. Je parle du psychologique qui se nourrit du visuel de l'autre. Alors, l'enfant est fané, l'enfant a les cheveux bleus, l'enfant a les cheveux coupés, ou etc. Et comme je le dis encore une fois, vous avez juste à changer votre façon d'être physiquement et vous allez vous rendre compte que ça sera pas tellement long que la personne avec qui vous restez aura de gros problèmes d'adaptation. Nous, ça se coupait la moitié de la moustache. Oui, comme tu as fait à un moment donné. Moi, j'ai suggéré de couper l'autre moitié. Mais les personnes vont dire, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il dit là? C'est normal qu'on aime... C'est ça que je dis, c'est normal. Mais normal ne veut pas dire que ce que je dis est faux, justement. C'est normal qu'on aime une femme ou un homme comme elle est là. Il y a des personnes, et je connais des hommes qui, à un moment donné, manipulent certaines femmes, des jeunes, pour qu'elles se maquillent. Oh, mais c'est beau, une popoune maquillée, ouais, c'est ça. Hein? C'est beau, ça dépend de ce qu'on a besoin pour se nourrir. Alors, c'est évident que si, par exemple, je suis une personne qui est toujours en train de faire la cour à des femmes, je vais m'arranger pour courir après un certain stéréotype de femme. C'est ce stéréotype-là qui me nourrit. Alors, si je rencontre une femme qui n'est pas maquillée, peut-être que, mettons, elle a les yeux, les lèvres, etc., d'une certaine façon, peut-être qu'avec du maquillage par-dessus, elle ressemblera plus à un stéréotype qui me nourrit. Donc, je pourrais avoir accès à plus de femmes si elles sont maquillées. C'est uniforme. Uniformiste. La personne qui aime les femmes avec des grands seins et des grandes fesses, ben, il va chercher les femmes qui ont des grands talons hauts. Hein? Ça uniformise. La personne qui aime les femmes en santé et qui font de la course, ben, à un moment donné, la femme, même si dans l'idée esthétique de plusieurs mâles, elle n'est pas tellement jolie, il peut l'aimer. D'autres personnes, ça va être les femmes qui sont instruites. Oui, mais crime, as-tu vu la longueur de son nez? Pour la personne, ça n'aura rien à voir. Il la trouvera belle, il l'aimera. Pourquoi? Parce qu'il trouvera belle la femme en fonction de ce qu'il alimente lui. Même chose pour la femme en regard d'un homme. Certaines femmes rechercheront un homme qui est bâti. Il peut être extrêmement laid au niveau du visage. Mais non, il est beau, regardez les muscles. Ça dépend uniquement où on regarde. D'autres, ce sera plus beau. Les pieds, par exemple. Bon. Mais... Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a donc une façon d'aimer, qui est une façon que j'appelle animale humaine, une façon d'aimer qui est uniquement en fonction de ce que l'autre vient nous stimuler et nourrir chez soi, chez nous. Donc, si on vous présente le Bangladesh, normalement, on va vous présenter un enfant qui est en train de mourir, qui est plus ou moins déshabillé, et extrêmement maigre. Pourquoi un enfant? Parce que l'enfance a la caractéristique de nourrir la majorité des adultes du point de vue affectif. Lorsqu'on montre un enfant qui est en train de s'en aller, c'est l'enfant qui draine de l'énergie. Parce qu'on se sent perdre en énergie à le regarder, on a pitié. Et là, on va payer pour qu'on ôte de la télévision cette image-là. Mais l'enfant, on ne connaît pas l'enfant. Alors, comment ça peut nous toucher? C'est une mécanique. L'humain vous parle de compassion. Il y a effectivement différents paliers d'amour qui ne font pas partie de l'amour psychologique ou de l'amour émotif. On perd son énergie en amour uniquement lorsque l'amour se vit du point de vue de l'émotivité. C'est-à-dire que à l'instant où on a besoin d'entretenir l'amour, on perd de l'énergie. Et perdre de l'énergie, ça fait en sorte que, veut pas, à la longue, nous perdons une partie de notre vie. On arrive même à faire des promesses de compte, qu'on appelle des compromis, où une personne décide d'abdiquer une partie de sa vie pour la donner à l'autre, donc pour nourrir l'autre. Et l'autre, bien évidemment, en échange, s'il est bien élevé, devra abdiquer une partie de la sienne pour nourrir l'autre. Alors qu'avant de se rencontrer, les deux se nourrissaient très bien tout seuls. Et ça devient une problématique parce que la majorité des personnes, lorsqu'elles sont amies, ça va. Lorsqu'elles sont un peu plus proches, ça commence à aller un petit peu moins bien. Puis lorsqu'elles sont en amour, dans la majorité des cas, ça va de plus en plus mal. Il y a des exceptions, ça va de soi, mais ces exceptions-là, c'est vécu uniquement par des gens qui ont la caractéristique d'être capables de s'aimer intelligemment. C'est-à-dire que dans leur amour, dans leur union, le respect reste. Alors que la majorité des personnes vont prétendre qu'elles respectent ceux qu'elles aiment. Et si on observe la psychologie des individus qui s'aiment dans notre société, ceux qui s'aiment, plus ils s'aiment, moins ils se respectent. L'énergie qui est perdue par l'amour psychologique ou dans deux couples, parce que les deux personnes peuvent y perdre finalement. Dans ce que tu expliquais la semaine dernière, l'amour intelligent va synergiser, va donner de l'énergie aux deux. Dans l'inverse, ça va en drainer. Ça s'en va où, cette énergie-là? Bon, c'est une question qui était extrêmement vaste, qui sort énormément du cadre actuel de la conférence, mais cette énergie-là, elle sert à nourrir des égrégores, elle sert à nourrir le monde de la mort, c'est-à-dire qu'elle sert à nourrir les mêmes sources de manipulation qui forcent l'humain à se battre, qui forcent l'humain à se droguer, qui forcent l'humain à se prostituer, qui forcent l'humain à se suicider, qui forcent l'humain à prier, qui forcent l'humain à chialer, à gueuler, à être impatient, à être nerveux, qui forcent l'humain à être joyeux, parce que c'est sinusoïdal, plus il est joyeux, plus il va chigner quand ça va commencer à tomber. Il y a une mécanique énergétique et grégorienne qui est reliée au phénomène du monde astral, au ciel, au monde de la mort, qui se nourrit intimement de l'expérience émotive de l'humain. Et plus l'humain a de l'émotion, plus l'humain vit de l'émotion. On sait que plus l'humain a de l'émotion, plus il use son corps physique. Il n'y a pas de bonnes émotions du point de vue biologique parce que c'est une hypersécrétion d'hormones. Donc, un travail d'usure du système endocrinien et du système du corps physique au niveau des récepteurs spécifiques qui sont toujours en train de travailler. Une personne, par exemple, qui est cardiaque, bien, si on lui fait une belle grande surprise absolument géniale, elle peut faire un infarctus. Pourquoi? Parce qu'il y aura trop de sécrétions endocriniennes en style catécholamine. Le cœur, il pompera trop fort. Il y aura un paquet de phénomènes qui va se passer. Puis, à un moment donné, il pourrait y avoir une ischémie au niveau du muscle cardiaque qui va engendrer une problématique. La personne qui est en santé, elle n'en souffrira pas en ce sens qu'elle ne vivra pas d'infarctus. Sauf qu'elle vit le même stress qu'un individu qui, à la longue, va devenir angineux parce qu'il aura vécu un stress particulier. Il y aura toute une transformation au niveau du métabolisme, des digestions. Puis à un moment donné, on aura du stockage de graisse ou de calcium. On aura de l'athéro ou de l'artériosclérose. Il y aura un paquet de phénomènes qui vont se passer. L'individu qui, on prend juste l'exemple de l'asthmatique, c'est un être humain qui exprime son émotivité uniquement par un bronchospasme, par des hypersécrétions de mucus, au lieu de l'exprimer comme normalement l'humain le fait, par un péristaltisme qui va changer, par un rythme cardiaque ou une transpiration qui va changer, une vasoconstriction, une dilatation des vaisseaux périphériques qui va faire « tu deviens rouge, tu deviens blanc ». L'humain est, disons, normalement constitué d'une certaine façon pour exprimer de l'émotion. Et cette émotion-là, c'est une forme d'énergie, un rayonnement. Il y a un rayonnement qui est calorique, donc qui est au niveau de l'infrarouge. Il y a un rayonnement qui est au niveau de l'énergie vitale. Il y a un rayonnement qui se fait au niveau de l'électrique. Par exemple, un électroencéphalogramme peut savoir, on peut facilement voir qu'une personne n'est pas en alpha, elle est dans un autre état. Il y a une usure, il y a une usure d'énergie. Et progressivement, dans certains cas, il y aura aussi une usure du corps physique. L'individu, donc, qui vit en amour, qu'est-ce qu'il nourrit? Bien, il nourrit le monde de la mort. Probablement qu'on va revenir de façon au mois de septembre ou octobre de cette mécanique-là, qui on nourrit, et pourquoi il y a toujours des manipulations de ce genre-là. on regarde simplement ce qui se passe sur le plan planétaire. Si souvent, on se pose des questions, puis on se dit, oui, mais c'est pas intelligent. Puis souvent, ceux qui font le séminaire, souvent, qui en arrivent à des conclusions dans ce genre-là, je passe mon temps à leur dire, oui, mais cherchez pas d'intelligence à la planète. Bon, on a l'Irak, qui se battent pendant 15 ans. Maintenant que c'est fini, ils vont s'associer. Pourquoi ils sont battus? Ben, ils sont battus. Ils cherchaient pas de logique. Et maintenant, ils attaquent le Koweït. Puis ils sont entourés par les plus grandes puissances militaires du monde. C'est stupide. Ça, c'est pas ça qui va empêcher l'humain de faire quelque chose. Bon, oui, mais si tu te drogues encore, tu vas avoir des problèmes. Tu te drogues quand même. Bon, si tu bois, tu vas être encore malade. Tu bois quand même. Et l'intelligence là-dedans, cherche-la pas trop. Il y a plein de stupidités. Si on regarde rien qu'au niveau du plan théologique, dernièrement, il y a une femme qui était assise sur un banc d'autobus. Hein? C'est la meilleure place pour attendre l'autobus. Il y a une automobile qui est venue y ramasser les deux jambes. Bon. Et ben c'est comme ça. Elle prenait l'autobus pour avoir d'accident d'auto. Ben c'est ça. Et là, on se dit, bon, il y a une façon d'expliquer les choses qui va être, ben dans des vies antérieures, elle a peut-être commis des conneries qui font que... Puis ça, j'ai déjà expliqué assez souvent que ça n'avait aucun sens, parce que l'automobile, le gars qui est allé faucher deux jambes, dans une prochaine vie, il va falloir qu'il paye. Puis celui qui va être fait payer, ben dans une prochaine vie, il faut qu'il paye. Puis à un moment donné, on aura passé toute l'humanité, c'est la femme qui va aller casser les jambes de l'autre là-bas, puis il faut qu'elle paye. Fait qu'il y a, bon, on n'en sort pas. La justice, puis l'intelligence pure, là, comme ça, là, visible et applicable, celui qui cherche ça est un candidat au suicide à un moment donné. Pourquoi? Parce que tant que tu ne vois pas trop, ça peut aller. Mais quand tu vois juste pas assez, juste trop, c'est la période transitive, c'est la plus dangereuse. Elle dure quelques années, hein? De quelques années à quelques années, dépendant des individus. De 2 à 500 ans. C'est ça, oui, de 2 à 500 ans. Il y a, ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de beauté et d'esthétisme. Mais l'humain est assujetti à une loi, celle de l'ère du poisson, qui fait que l'humain évolue par sacrifice. Et dans la structure de l'amour, l'humain évoluait par sacrifice. Alors, si on s'aime, on devra faire des sacrifices. On devra sacrifier une partie de notre énergie, une partie de notre conscience, une partie de notre vie, pour que soit maintenue la fragilité d'un égrégore particulier, le couple. Certains diront la famille, mais il y a beaucoup de personnes qui naissent pas sous le même toit et qui font partie de la même famille. La famille n'est pas uniquement une question de génétique, de biologie. Bon, c'est pas parce qu'à un moment donné, on vous a donné le nez de votre grand-père que nécessairement vous êtes associé à la famille, puis comme c'est une famille de soir, ben vous devrez être des soirs. Puis c'est une famille de racistes, ben vous devrez être raciste. Par l'éducation, par le système réincarnationnel, OK, de temps en temps, on est effectivement assujetti à nos lignées familiales. Plus ça va, plus l'humain a été mélangé génétiquement, plus l'humain ramasse énormément de personnalités réincarnatives, ce qui fait que l'humain est capable d'avoir une conscience différente. Quand on parle de la structure d'amour, comme la structure des guerres, la structure des violences, tout ce genre de choses, ça nourrit quelque chose. Les violences gratuites, il y a une évidence sur le plan planétaire, c'est qu'il n'y a pas un paradis qui n'est pas investi d'un enfer. Alors, c'est évident. Vous n'avez qu'à voyager. J'ai voyagé dans plusieurs pays sous-développés, entre autres. Je partais d'un pays développé. J'ai même été dans des pays en voie de sous-développement. Et puis, même dans ces pays-là, on se rend compte, on arrive dans des régions dans la jungle, sur le bord de l'Amazonie, sur le Mato Grosso, et puis il y a des peuplades indigènes, autochtones, totalement seules. Et c'est le paradis. C'est absolument génial, c'est le paradis. Il y a des tarentules, il y a des jaguars. Il y a quelques grands singes dangereux, il y a des piranhas en masse, il y a des crocodiles, bon, il y a des serpents, des couleuvres, etc. Et il y a aussi des choses microscopiques qu'on appelle des vecteurs pathogènes. Il y a beaucoup de maladies. Alors, quand on va là, c'est absolument génial, c'est formidable. Là, on commence à jaser avec les personnes. J'ai rencontré une vieille femme qui vivait avec un vieux monsieur. Bon. Et après avoir discuté pendant quelques temps, on se rend compte que la vieille femme et le vieux monsieur, ils ont eu 15 à 20 enfants. Il y en a 7 présents là. Ça veut dire qu'ils ont souffert combien de fois la mort de leurs enfants? Mais en plus, sur un des enfants, il y en a un qui a des vers intestinaux, en tout cas une de ses bédaines. L'autre, il y a à peu près un pied qui est à moitié mangé par la gangrène. C'est toujours le paradis. Puis la vieille femme n'est pas vieille. Elle a l'air vieille. Mais en tout cas, c'est ça. Et plusieurs autres problèmes, bon, au niveau de tuberculose, typhoïde, paratyphoïde, l'eau est contaminée. Il y a toute une panoplie de problèmes qui sont évidents. Il est où le paradis là-dedans? Ben, le paradis est uniquement dans la conscience de celui qui vit pas là. Sur des cartes postales puis sur la vidéo. très simple. J'ai même rencontré, c'est comique, c'était vraiment phénoménal, un indigène d'une place, qu'il y a quelques touristes qui peuvent aller les visiter. Et puis, bonhomme, il se déguise tout avec un sorcier, puis il vend des têtes d'oiseaux, des choses comme ça aux quelques touristes qui passent là. Puis dans un article de journal, une revue qui venait de France, je crois, assez spécialisée sur les voyages, eh bien, on nous montrait des indigènes vivant au fin fond de l'Afrique. Puis c'était mon bonhomme que j'avais rencontré au Pérou. L'humain se crée des paradis. Le gars est allé au Pérou, pris des photos, puis là, il a fait un article sur l'Afrique, puis il a mis photos là-bas. Bon. En plus, le grand chef indien de là-bas, on l'avait rencontré dans un gros hors-bord à deux moteurs. Puis quand il était passé à côté de nous autres avec sa petite tribu à l'intérieur, il était gêné, tellement qu'il frappait des troncs d'arbres à deux, trois virages plus loin, puis on a entendu pif, paf, pouf, pouf, puis ça a arrêté là. Nous, on avait une pirogue, on n'est pas retourné voir parce qu'on s'est dit, quand même pas ambitionné. Mais on se crée des paradis partout. Alors, l'homme et la femme qui se rencontrent se créent un paradis aussi. On veut avoir des enfants. Des enfants, c'est extrêmement génial. C'est le paradis, avoir des enfants. À un moment donné, quand on les a, on ne sait plus pour qui c'est le paradis. Est-ce qu'on se crée des enfers aussi? Mais c'est ça qu'il y a. Il n'y a pas une place sur la planète Terre où il n'y a pas un enfer dans un paradis. Soit que ça l'entoure, soit que c'est dedans, soit que c'est intimement mêlé, mais c'est comme ça. Ça va changer. Il y a des choses qui vont changer uniquement en fonction du changement de la conscience de l'humain, du changement de la mutation de l'humain. Plus on est capable d'avoir une conscience conséquentielle, une conscience écologique, plus on est capable d'agir en fonction des conséquences, et plus on est capable d'agir en fonction de la compréhension des mécaniques. J'agis en fonction des conséquences. Je pense que si je fais ceci, cela, cela, cela, cela, etc., ça donnera telle conséquence qui est valable. Oui, mais c'est plate de faire ça. Ça n'a rien à voir. C'est pas une vision émotive, là. Je te dis que si on fait ça, on aura la paix après. Bon, par exemple, c'est le temps de repeindre l'extérieur de la maison pour la protéger. Ah oui, mais il fait trop chaud, oui, mais il fait trop froid, oui, mais bon, etc. Si l'humain est capable d'agir, c'est pas un robot, si l'humain est capable d'agir logiquement, écoute, il fait chaud, il fait froid, on se lavera après, c'est pas plus grave que ça. Il y en a beaucoup qui ne font pas de conditionnement physique parce que ça pue après. Mais tu te laves après, c'est fini là. Puis tu récoltes convenablement. Alors, à un moment donné, les personnes font, bon, ils sortent leur peinture, ils travaillent après la maison et quand ils ont fini, c'est réglé. Sauf que dans notre vie, on est manipulé à ne pas être capable, on manque d'énergie, on est manipulé à ne pas être capable d'aller chercher ce genre d'expérience, d'expression. Quand on parle d'amour où on ne perd pas d'énergie, la semaine prochaine, on va voir comment récolter. Et là, on va commencer par cesser d'en perdre, ça vaut pas la peine de remplir un truc avec un trou. L'énergie en amour, il est perdu premièrement parce qu'on aime. Et on aime de quelle façon? Parce qu'on aime de la mauvaise façon. C'est comme si on peut considérer qu'il y a 20 façons d'aimer. Il y en a deux dangereuses. Les deux dangereuses, c'est celles que l'humain applique en majorité. L'amour uniquement sexuel, physique, puis l'amour uniquement émotif. Il y a deux façons d'aimer. Celle qui fait appel à la mémoire, donc celle qui fait appel à l'émotion, celle qui fait en sorte que vous allez sécréter endocrinalement des hormones dans votre corps physique. Alors, quand vous allez aimer comme ça, votre cœur va accélérer. Vous allez avoir peut-être un goût de relation sexuelle. Vous allez avoir une accélération. Vous allez transpirer, vous allez rougir. Il va y avoir une sécrétion d'odeur pour attirer l'autre. Bon. Il y a plusieurs phénomènes que l'humain, maintenant, ne perçoit à peu près plus. Mais on prend un appareil qui mesure la sensibilité, par exemple, la résistance cutanée, qu'on appelle un appareil qui mesure les phénomènes de biofeedback. On vous place ça après la peau. Puis on fait juste vous dire, « Sais-tu, t'es assez jolie. » Puis l'appareil qui sonne un peu, là, il fait « Niii » décolle. Et de temps en temps, on en met à des personnes, hein. Puis c'est très niaiseux. Les personnes ne le savent pas. Là, je leur dis simplement, ton ego te contrôle au complet, il contrôle tout ton corps physique. Oui, on a. Là, je lui dis, donne-toi une petite claque sur la joue. Il fait ça. Moi, j'arrive, regarde bien moi. Pouf. L'ego ne tolère pas que quelqu'un d'autre vienne le faire. Alors, on pince à peine et ça se met à fonctionner. Ça permet de vérifier plein de mécaniques. Par contre, si on a un amour... Plus tu veux qu'il arrête, plus c'est... C'est évident. Puis si à un moment donné, il commence à baisser. Hey, t'es pas pire. On décolle. Parce que l'ego prend rien. C'est phénoménal pour qu'un individu qui est convaincu qu'il se contrôle, puis c'est lui qui est le maître à bord, vous lui connectez ces deux petits gugus-là, puis après ça, c'est fini. Il se déteste le restant de ses jours. Il vient de constater dans la pratique qu'effectivement, il était deux chez lui. Cette maudite machine-là. Oui, cette maudite machine-là. Parce qu'on lui dit mentalement, calme-toi. D'accord? Oui. L'ego, là, en arrière, lui, il vient de décider que c'était pas ça qui se passait. C'est parfait. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'un individu, on va dans la forêt, on est avec une autre personne. La personne qui aime émotivement, elle brûle de l'énergie. La personne qui aime sentimentiquement, au niveau du sentiment, l'appareil ne branche à peu près pas. Et si elle ne serait qu'au niveau du sentiment, l'appareil ne bougerait pas du tout. Il n'y aurait pas de sécrétion endocrinienne au niveau de son corps physique. Prenons un exemple. Pourquoi on perd de l'énergie dans la relation émotive? Et là, il faut faire attention. C'est évident, quand vous allez partir à soir, vous allez encore avoir une vie d'une relation amoureuse, émotive. L'idée, c'est qu'on est deux chez soi. Un qui doit devenir le maître contrôleur et l'autre qui doit devenir le contrôlé. Présentement, notre ego, c'est lui qui domine. Quand vous chiolez, vous décidez pas que vous chiolez. Vous chiolez. Certains constatent qu'ils chiolent. D'autres constatent que vous chiolez. Quand vous êtes en colère, vous décidez pas. Oh, tiens, c'est plate ce soir, là. Je vais me mettre en colère. Non, tiens, je vais m'ennuyer à la place. C'est moi qui décide. Je vais m'ennuyer. Ouais, oh, c'est plate ce soir. Non. Puis là, t'appelles ton ami, puis ça répond pas. T'as décidé qu'il répondrait pas parce qu'il faut que ce soit ennuyé, hein, tu sais. Puis bon, puis. Non, on ne décide pas. On vit l'ennui. On exprime et on se fait charrier. On perd de l'énergie dans l'ennui. Mais l'amour, c'est un peu la même chose parce que l'amour amène la chicane, il amène le plaisir. Mais. Ce sont des choses qui sont très passagères et qu'on doit alimenter. Et on ne peut pas passer notre vie à prendre notre énergie pour alimenter des structures qui nourrissent d'autres choses. Est-ce que le mental est capable d'amour? Quand tu parles d'amour... Absolument. Autre, oui, sentimentale. Le mental est capable d'amour. L'intelligence chez l'humain est capable d'amour aussi. D'amour intelligent. Bon. Sauf que la nuance entre le sentiment... On fait juste prendre un exemple biologique encore pour comprendre de quelle façon cela se passe. Quand vous avez, j'en ai déjà parlé un petit peu à un moment donné, vous pourrez faire l'expérience ce soir en sortant, vous vous coupez une main, vous l'ôtez, et ça doit, ça saigne. Attendrez après la conférence, j'aurai dit ça. Soignez-vous parce que vous pouvez glisser aussi, glissant, ça peut faire mal. Bon. Alors, ça saigne. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe automatiquement que votre corps physique va commencer à réagir pour préserver votre vie. Alors, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va sécréter des hormones. Et les hormones vont, par le sang, être amenées à des récepteurs spécifiques particuliers qui vont, eux, engendrer certains états. À travers ces états que la médecine a découverts, il y a des états qui sont typiques de certains de ce qu'on appelle des chocs. Alors, on aura un choc hypovolémique, par exemple, un choc qui va apparaître lorsque l'individu perd un peu de sang. Le choc hypovolémique, c'est un choc qui va faire en sorte que la personne va cesser de sécréter de l'urine, les intestins vont cesser de travailler, le foie va se vider, il y a les sinus caverneux qui vont se vider de leur sang. On va mettre le maximum de sang en circulation dans le système veineux pour compenser la perte de sang. Un hypovolémique manque de volume sanguin parce que les reins vont commencer à mal travailler, le foie aussi, le cerveau a besoin de ça, etc. Et il y aura une vasoconstriction, vous allez commencer à devenir blanc, pâle, pâle, pâle, pâle. Tout le sang qui va en périphérie, qui sert à nourrir la peau, est arrêté. Ça va nourrir le cœur, les poumons, le cerveau. Les hormones qui font cela, il y a la dopamine, que certains connaissent un peu parce qu'on en sécrète au niveau du cerveau. Les joueurs invétérés et plusieurs personnes qui aiment se mettre en colère, qui aiment risquer leur vie, qui aiment aller voir des films d'horreur, sont des gens qui souvent manquent de dopamine. Alors, cette hyper-sécrétion, c'est une drogue, hein? La sécrétion, ça les satisfait un bout de temps. Bon, ça crée des systèmes de pathologie, justement, les joueurs invétérés, etc. Il y aura la L-dopa, il y aura la noradrénaline, il y a l'adrénaline qu'on connaît aussi. Il y a différentes hormones comme ça qui vont être sécrétées. Et ça va faire en sorte que le corps va être capable de survivre. Mais le système hormonal a un problème, c'est qu'après tant de secondes, si le corps n'a pas survécu, la mécanique hormonale le tue. Alors, c'est pas long que le sang commence à filtrer à travers les cellules du système veineux, puis là, on perd. Alors, en termes médicaux, on va mettre un soluté, 5 de l'eau, c'est ça. On veut mettre du volume dedans. Tant qu'il y a du volume, il y aura de la pression. Il y a des chocs psychogéniques. Vous venez de gagner 1 million de dollars, de tomber dans les pommes. Qu'est-ce qui s'est passé? La psychologie, elle te magane le corps physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Un chien vient de vous mordre. C'est à peine si vous êtes blessé. Mais ça fait mal, ça fait mal. Vous êtes là 15 minutes de temps à marcher sur le bord de la rue, un peu tout croche. Une ambulance arrive. Les deux gars débarquent, ou la fille et le gars débarquent. Vous tombez dans les pommes. Ouais, du moment que vous êtes comme en sécurité, ça part. Pourtant, il ne s'est rien passé. Et jusqu'à une certaine époque, la majorité des gens mouraient du choc plutôt que de l'accident. Mais quand on vit des émotions, si on ferait une analyse sanguine lors d'un vécu d'émotion, on se rendrait compte, puis maintenant de plus en plus la science commence à s'en approcher, on se rendrait compte que quand vous êtes en amour, vous sécrétez une dose d'hormones similaire à certaines mécaniques de choc, de lutte contre une agression majeure. Donc l'amour tue? Oui, l'amour tue. Cet amour-là. Je l'aime à mourir, c'est ça. Bon. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est sûr que philosophiquement, on peut dire, ben oui, etc. Et corporellement, par contre, ça se promène. Vous aimez écouter une partie de hockey? Pourquoi? Parce que ça sécrète en l'intérieur de nous. On a accès à des drogues. On aime voir un match de boxe. Pourquoi? Je parle encore de hockey, là, entre nous. Bon, on aime voir un match de boxe. Pourquoi? Parce que ça fait sécréter certaines hormones. Ça nous drogue. On en a besoin. On peut aller chercher cette drogue d'une autre façon, évidemment. Il y a plusieurs mécaniques. La méditation permet d'aller chercher certaines formes d'énergie qui vont alimenter d'une façon peut-être plus salutaire. Quand on aime émotivement, la problématique qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'on aime émotivement, on a une réaction biologique endocrinienne. Quand vous avez peur et que ça va jusque dans vos tripes, ben là, vous avez eu peur en maudit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé qu'il y a eu des réactions biologiques qui ont fait en sorte que même le système intestinal a commencé à bouger, puis ça, vous l'avez senti. Bon, ça m'a pris jusque dans les tripes, que ce soit un morceau musical, que ce soit n'importe quoi. Alors, il y a cette mécanique. Comme l'être humain, vous savez, je dis souvent, de temps en temps, à des personnes qui veulent avoir un enfant ou en attendant, les personnes disent, oui, mais si on a juste des bonnes émotions, des belles émotions pendant qu'on porte le bébé, c'est bien mieux pour lui. C'est pas mieux pour lui. Pourquoi? Parce qu'on inocule à dose massive des hormones dans le fœtus. Alors, comme si on avait une aiguille ou une seringue. Bon, alors, on a interdit ce genre de pratique chez les athlètes. Ça crée des problèmes à un moment donné. Plus la mère est neutre émotivement pendant 9 mois, il faut le faire, mieux c'est. Alors que si la mère, elle vit énormément de hautes émotions, disons de belles émotions mais puissantes ou de basses émotions puissantes, elle sécrète des hormones. C'est son sang hormonisé qui nourrit le fœtus. Puis le fœtus, ben, son corps va réagir en fonction des hormones qui arrivent. Et comme il y a des hormones qui arrivent qui sont les vecteurs qui conduisent l'émotion, ben, le fœtus va vivre les émotions de la mère. C'est-à-dire qu'il va réagir biologiquement comme la mère réagit. Et progressivement, sa psychologie va se structurer en fonction de la réaction corporelle aux hormones de sa mère. Ce qui va faire dire à beaucoup de spiritualistes et de personnes qui sont sensibles à l'humain, et ils ont raison, que le fœtus vit les émotions de la mère. Et c'est ce qui va faire dire aux témoins de Jéhovah qu'on ne veut pas de transfusion sanguine parce qu'on transfuse de l'âme. On transfuse de l'émotion parce qu'il y a des hormones dans le sang. C'est digéré rapidement, mais quand même, on transmet de l'expérience. Une greffe d'organe va faire la même chose, évidemment. On transpose l'individu chez l'autre. Quand on aime émotivement, il y a réaction endocrinienne qui nous amuse et qui nous plaise. C'est ce qui fait vieillir le corps, c'est ce qui use le corps et c'est ce qui engendre une grande partie des maladies corporelles. De plus en plus, la science médicale s'approche de l'idée que l'endocrinologie est la science clé de la santé. Le système endocrinien, donc le système hormonal. On perd de l'énergie pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que le corps physique doit participer dans notre relation amoureuse. Je ne parle pas d'une relation sexuelle. Il y a des moments donnés que le corps doit servir à quelque chose. C'est comme quand vous mangez, ben, vous digérez, vous sécrétez, etc. Il doit servir à quelque chose. Quelqu'un dirait, oui, mais si je fais de la course, à un moment donné, je suis en anaérobie, manque d'oxygène. Alors, il y aura des messages qui vont faire que le cœur va commencer à accélérer, le système pulmonaire aussi, puis tout ça. Puis mon ego va commencer à dire, va donc te coucher, arrête donc, c'est fatiguant. On use, mais il y a une quantité d'usure qu'on peut considérer comme étant naturelle. Mais l'être humain mésuse. Bon. Ou abuse. Oui, bien, il y en a d'autres qui abusent, effectivement, oui. Quand on parle donc d'un amour où on ne perd pas d'énergie, cela veut dire, premièrement, un amour qui n'est pas continuellement biologique. Donc, qui n'est pas toujours exprimé dans le système endocrinien, dans le corps physique. Deux personnes qui sont assises d'un côté de l'autre, disons que tu serais ma femme. Disons. Faites un bon effort d'imagination là, pour améliorer les... En tout cas. Mais, il a fait un pas puis moustache. C'est pas trop pire, mais... Mais, t'es ma femme. Et est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on peut parvenir à s'aimer si on ne se touche pas fréquemment? Ou si on n'a pas suffisamment fréquemment de relations sexuelles, ou si on est souvent assis et éloigné, ou si même on ne se voit pas souvent. Loin des yeux, loin du cœur. Si votre amour est un amour d'alimenteur, quand vous voyez, vous vous alimentez. Si puis là, vous vous alimentez plus, lentement la partie mémorielle s'alimente, s'oublie, elle meurt. Loin des yeux, loin du cœur. Si un amour mental, lui, il n'est pas changé par rapport à la distance ou le temps des... Ça n'a rien à voir. Entre les relations. Dans l'amour intelligent, il n'y a même pas besoin de se déjeuner après 8 ans qu'on ne s'est pas vu. La relation continue exactement comme si ça faisait une minute qu'on s'était laissé. C'est la même chose. On revient même pas sur le bon vieux temps, etc. Ça, c'est pour se recréer des liens. Hein, on devrait stimuler nos vieilles cordes parce que là, franchement, là, t'es mon chum, t'es mon ami, fait 20 ans qu'on s'est pas vu, c'est au bout de... Ouais, bon, mais je te connais vraiment vu, là. Te rappelles-tu du « Ah oui, ah oui, puis là, on y va, puis on y va, puis on y va, puis le lendemain, on revient. » Puis après ça, quand on s'est resolidifié dans le passé, ben là, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bon, qu'est-ce que tu fais de ta vie, etc. Bon. Restes-tu encore avec Marie? Ça fait longtemps que Marie s'est partie aux poubelles. Puis restes-tu encore avec Pierre? Puis Pierre, c'est ça? Oui, Pierre. Oui, juste encore avec Pierre, pas le même. L'être humain qui perd de l'énergie, c'est premièrement parce que continuellement, la relation qu'il appelle amoureuse se vit au niveau du corps physique. On est content de voir l'autre, on aime physiquement. On s'ennuie de l'autre, mais votre corps physique va même suivre progressivement un rythme de dépression. On est inquiet. Prenez votre tension artérielle, puis prenez l'appareil des biofeedback, puis regardez ça, voir. Je sais pas si le piton va être assez ajustable en bas pour que ça casse tout. Mais comment tu peux arrêter d'être inquiet ou... La première chose surpris. À faire pour arrêter d'être inquiet, c'est de commencer par constater qu'on est inquiet. Deuxième chose, c'est d'intelligencer la mécanique, c'est-à-dire qu'on va se dire que c'est pas intelligent d'être inquiet. Mais une personne qui a trop d'ego, qui pense c'est elle qui est inquiète, c'est elle qui a décidé. Ben oui, alors c'est sûr, je t'inquiète, ça fait une demi-heure qu'elle n'est pas rentrée, Christy. Puis une personne va dire, oui, mais si je l'aimerais pas, je m'inquiéterais pas. C'est vrai. Si tu l'aimerais pas de la façon dont je te parle, il y a une partie de ton ego qui a peur de pas pouvoir s'abreuver ou qui s'attendait à s'abreuver à 5 heures, puis 6 heures, l'autre n'est pas là. Alors là, moi, je t'ai préparé, là. Tu sais, Pavlov a fait sonner les cloches, là. Moi, j'avais hâte, je l'ai mangé, là. J'avais faim, là. J'étais tout préparé, là. À 5 heures, là, je me dis à 5 heures, tiens, je vais me nourrir. Et ça sera pas long qu'il va arriver. 5 heures et quart, il est pas là. Là. Je me nourris dans le beurre, moi, là. Mais c'est pas nécessairement... Le beurre, mauvais pour la santé du monde aussi. C'est pas inintelligent de se demander pourquoi il est pas rentré. Ça dépend chose. De la température, ça des conditions de route, etc. Il y a une nuance entre... Avez-vous peur quand un gros, gros chien de 850 livres avec une grande, grande gueule avec 3-4 branches dedans? J'ai vu ça dans un film d'horreur, là. Ça doit exister quelque part. Disons, vous rentrez chez quelqu'un, puis un gros Doberman... super agressif, avec les babines retroussées, assez qu'il ne voit presque plus, là. Bon, les dents bien sorties. Ça m'entend bien moins que ça pour le retourner. Ouais, t'as une gare au chien. Moi, je les imagine comme ça quand je vois l'annonce gare au chien. C'est pour ça que le monde a beaucoup de caniches, puis il n'y a pas de problème avec toi. Ouais. Et là, on va dire, la majorité vont avoir peur. Mais là, c'est correct. Ben, c'est correct, non? Mais non, justement. Vous allez sécréter. Votre cœur va accélérer, un paquet d'affaires va commencer à fonctionner. Et on va dire, animalement parlant, que vous avez ces sécrétions-là pour vous permettre de courir plus vite. Vos pupilles vont se dilater sous l'effet de la peur. Vous allez mieux voir. Bon, votre cœur accélère, le système pulmonaire accélère, tout commence à fonctionner pour vous permettre de courir en système aérobique plus longtemps. Sauf que là, vous ne courrez pas. Alors, les mécaniques animales du passé, qui génétiquement nous maintiennent encore, sont toutes là en train de s'exprimer pour rien. Il est attaché avec une grosse chaîne. T'as peur quand même. Bon. Et là, il arrive quoi? Ben, il arrive que l'individu peut se dire, ben oui, mais c'est normal, j'ai peur. C'est normal. Ce n'est pas intelligent pour autant. Mais si la chaîne se casse, là, il ne te restera plus de quoi sécréter. Voilà. Si la chaîne se casse, à quoi ça vous sert d'avoir peur? À rien. Moi, t'avoir peur à distance. Que... Oui, mais moi, j'aime autant ne pas avoir peur à distance. Et en amour, c'est la même chose. Encore une fois, il ne faut pas regarder la vie en fonction de ce que l'on vit. Par exemple, fumer des cigares, c'est épais. La cigarette, c'est correct, tu sais. Le cigare, c'est gros, petite boucane, tu sais. Moi, je fume la cigarette, c'est correct. Bon, oui, mais trop de cigarettes, c'est dangereux. Ah, c'est sûr. C'est quoi une bonne moyenne? Ah, 2 paquets par jour. Comment t'en fumes, toi? Ben, 2 paquets par jour. Moi, je suis... C'est ça qui a le gros danger. Parce que souvent, on n'améliore pas notre situation uniquement parce que on juge tout ce qui est bon en fonction de nos faiblesses. On met ça normal, on normalise notre situation. Oui. Comme certaines personnes me disent, « Ouais, mais toi, Daniel, est-ce que tu fais tout ce que tu dis? » Ah, ben non! Jamais le temps, parle bien trop. Ben c'est ça, exactement. Tu n'as pas le temps non plus, t'écoutes trop, en tout cas. Ouais. Non, sauf qu'à force de le répéter, à un moment donné, je finis par le faire, j'ai plus le choix, tu sais, ça rentre. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Oui, mais regarde, lui, là, il dit, mais il le fait pas. Allez voir votre médecin qui fume, là, puis qui mange des gros bonbons, puis qui est obèse, puis qui vous dit « C'est lâche le sucre, là, puis cessez de fumer, puis maigrissez un peu. » Il a totalement raison. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il est, lui. La parole d'un humain n'est pas nécessairement ce qu'il est. Il est manipulé par quoi dans sa vie? La parole exprime souvent de l'intelligence, mais ce qu'on nous, on exprime avec notre corps physique, c'est souvent l'ego ou des mémoires. Faut faire attention, donc, effectivement, on doit voir les choses de la façon, à partir du mental. Ça sert à quoi d'avoir peur d'un gros chien? Absolument à rien. Moi, mais s'il me saute dessus, ça sert à rien d'avoir peur. Il va sauter dessus, de toute façon. Exact. Ouais. Oui, mais ça me permet de faire attention. Non. C'était intelligent, ça fait attention quand même. En réalité, ça nous permet de se rappeler qu'on a eu peur. Ça nous permet uniquement de sécréter, de nourrir de l'astral, d'avoir peur, de vivre, d'avoir l'impression qu'on a vécu, etc. Mais ça sert à rien d'autre. En amour, on aura souvent la même chose. Pourquoi vous inquiétez-vous? Si vous ne l'aimeriez pas, vous ne vous inquiéteriez pas. Si vous ne l'aimeriez pas, vous ne seriez pas jaloux. Si vous ne l'aimeriez pas, vous ne seriez pas toujours en train de penser à quoi faire pour pas qu'il chiale, pas qu'elle chiale, ou encore quoi lui donner pour la rendre heureuse ou le rendre heureux. Il y aurait énormément de sauvegarde d'énergie là-dedans. Quelqu'un dirait « Oui, mais ça fait plaisir de recevoir un cadeau! » Oui! Sauf que si, instinctivement, je suis conçu pour penser à vous acheter un cadeau, je pense quelque part, puis comme ça, subitement, je dis « Ah, ben tu veux la faire avec ça, elle aimerait savoir ça. » J'ai rien sécrété. Je l'achète. Mais ce qui arrive, c'est que les personnes souvent qui donnent comme ça, naturellement, ne sont pas toujours mariées ou à côté avec un individu qui fait comme eux autres. Puis là, ils trouvent que l'autre, là, il devrait faire des efforts de temps en temps. Alors, ceux qui sont comme ça, au lieu d'acheter un cadeau à l'autre, devraient se l'acheter, comme ça, ils cesseraient d'attendre avec, après l'autre. Mais on se dit, ben non, faut qu'on partage. Partagez quoi? Vous voulez me donner des bonbons? Je les prends. Moi, je ne pense jamais à rien vous donner. Je suis comme ça. Vous, vous êtes un donneur. Moi, je suis un receveur. La vie est belle. Et on va dire, ah, c'est ça, c'est parce que tu reçois. Non, c'est faux. Si je serais un donneur, je donnerais. Puis si tu serais un donneur aussi, ben tu donnerais aussi. Puis on serait plus heureux à donner qu'à recevoir. Si on serait deux receveurs, ensemble, on aurait des problèmes. C'est sûr. Mais est-ce que c'est vrai qu'on se complète? On dit que l'amour dans un couple, on se complète. Parce que dans, comme là, tu as un donneur, c'est un receveur dans chaque couple. C'est qui se complète. Parce que si tu as deux receveurs ou deux donneurs, dans cet exemple-là, est-ce que les deux donneurs vont être capables de vivre ensemble? On se complète surtout parce que ce que l'autre a que tu, qui t'appartient, tu vas le chercher. Donc, il vient combler des lacunes chez toi. Mais quand c'est complété, tu acquéris ces choses-là. Mon niveau affectif, se compléter, il faut faire attention. Parce que je suis donneur, t'es receveur, on se complète. Il n'y a qu'un problème, c'est que même si je suis donneur, moi j'ai l'impression à un moment donné que je suis celui qui est exploité. Je n'aime pas ça recevoir. Il y a des personnes que je connais que quand on leur donne, elles se sentent plus ou moins coupables. Parce qu'immédiatement, il faut qu'ils trouvent qu'il y a une façon de vous donner un peu plus. Mais si on leur donne pas, elles se sentent frustrées. Ça devient compliqué. Moi, je suis un individu, par exemple, que plusieurs femmes pourraient trouver compliqué à vivre. Pourquoi? Parce que si on me demande pas, on n'a rien. Et quand on me demande, on a quasiment tout le temps. Alors, bon, est-ce que tu veux, bon, veux-tu faire ceci? Ou aurais-tu 5$ à me prêter? Essayez pas ça à soi, on n'est pas bon, OK? Mais, par exemple. Oui, mais tu devrais le voir, là, que j'ai pas d'argent. Toi aussi, tu devrais le voir, que tu n'as pas d'argent. Bon, pourquoi faudrait moi j'y pense plus que toi? Il y a des petites choses comme ça qu'on doit faire attention dans notre amour où on perd de l'énergie. Pourquoi? Ça va être, samedi matin, peux-tu venir me déménager? Pas de problème. Et samedi à 10h, moi, je dors. L'autre, là, il est chez lui, puis m'attend. Il n'ose pas m'appeler. Mais il chiale en motadis en dedans. Pourquoi il n'ose pas m'appeler? Parce qu'il est en train de nourrir. Il se fait manipuler à nourrir. Fait que là, il sécrète. Quand il aura sécrété suffisamment, ben là, il va déménager tout seul, appeler quelqu'un d'autre, ou bien non, il va me téléphoner. Quelqu'un, par exemple, me dirait, « Peux-tu me ramener mon manteau que j'ai oublié chez toi? » Oui. Mais je le vois une semaine après, puis j'ai oublié. Deux semaines après, j'ai oublié. Tu sais, si tu voudrais réellement me l'amener, tu me l'amènerais. Si tu le voudrais réellement, tu me téléphonerais avant que je parte. Mais il y a toujours une nuance comme ça, qui fait que l'humain va vivre surtout du point de vue de l'endocrinal, donc du point de vue biologique, il y a beaucoup de relations qui sont comme ça. Alors, je m'inquiète, je dois commencer par me dire que ça ne sert à rien de s'inquiéter. Plusieurs vont dire, ouais, je le sais que ça ne sert à rien, mais m'inquiète pareil. C'est très important de le dire, parce que là on commence à se dissocier de ce qui est manipulé. Vous ne vous inquiétez plus, mais votre corps exprime de l'inquiétude. Mais c'est déjà un départ. Il faut observer nos réactions, nos inquiétudes, notre jalousie. La jalousie, ça détruit aussi énormément. Il faut observer les réactions, pas nos réactions. Les réactions. Oui, parce que demander à quelqu'un qui est extrêmement inquiet, oui, mais est-ce que ça va changer les choses que tu t'inquiètes? Non. Et la question stupide, alors pourquoi tu t'inquiètes? On est deux chez nous. La personne qui répond non ne s'inquiète pas, mais elle constate qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète. Et ça, on doit commencer par le voir. Et quand je dis souvent, par exemple, une façon de sauver un peu d'énergie quand on est en relation d'amour. On est, du point de vue de la psychologie, du point de vue de l'astral, on va revenir énormément dans les conférences à venir, extrêmement manipulé. Tout à l'heure, on a parlé qu'il y a une partie de l'humain qui servait à nourrir, à alimenter ce que l'homme souvent appelle les dieux. Des dieux créés par l'homme à l'image de la ressemblance de l'homme. Il y a d'autres mécaniques qui manipulent les choses, mais l'homme, ce qu'il voit ou ce qu'il est, avec quoi il est en contact, c'est quelque chose qu'il a créé. Lorsque l'être humain vit, l'humain souffre, c'est utile qu'il souffre, pas pour l'humain. Bon. Et dans une relation de couple, souvent, il va y avoir... Bon, t'es encore en retard. Et la personne qui vient de prononcer ça, qu'est-ce qu'elle vient de prononcer? C'est la chicane de la soirée. Il s'aime. On perd de l'énergie là-dedans. Si l'autre lui dirait... Ben, si tu veux, il y avait plus de trafic que d'habitude. Ah, c'est une bonne raison, ça! Ben oui, c'est une bonne raison. C'est la raison. Tu sais, compte sur un autre! À qui veux-tu compter ça? Personne d'autre qui me pose la question. Si tu restes totalement mental, tu vas désamorcer une mécanique parce que l'autre ne pourra pas s'en alimenter. Mais ça va prendre un bout de temps au départ. Parce que son ego s'est préparé à s'alimenter d'un conflit. Puis là, tu le coupes net. Il va avoir une frustration à l'intérieur. Ce que l'on doit faire, c'est chacun, quand on vit en couple, prendre bien conscience de cette mécanique. Il y a un ego qui vous habite, puis cet ego-là, c'est lui qui veut vivre votre vie. Puis en majorité, c'est lui qui la vit. C'est lui qui a peur, c'est lui qui s'inquiète. Il se nourrit uniquement d'expérience. Il a expérimenté la peur, il recherchera encore la peur. Il a expérimenté la jalousie, il recherchera encore la jalousie. Plus un être humain expérimente la jalousie, plus il devient jaloux. Il a expérimenté l'amour émotif, l'amour sexuel, plus il va la rechercher. Plus il va l'expérimenter, plus il va en avoir besoin. Il y a une accoutumance, puis une dépendance qui est inhérente à cela. Mais ce n'est pas vous. Et la façon dont on se décode, premièrement, ça va être, par exemple, ce soir, t'es encore en retard. Posons la question sans chigner. Vous allez voir comment l'ego est puissant. Ouais, c'est ton ego qui parle, là. Ben non, c'est toi. Ton ego, c'est ton ego qui vient de parler, toi aussi. Un ego attire un ego. Il faut faire attention. Et comment ne pas perdre d'énergie? Ben, c'est de commencer par apparaître des êtres humains. Oh, laisse faire l'ego. Laisse pas faire l'ego. C'est là le problème. Facile à dire. Eh oui, c'est facile à dire. Mais c'est ça aussi. Tu sais, il pleut, facile à dire. Il pleut quand même. Bon. Alors, à un moment donné, ça va être, écoute, j'aimerais bien ne pas parler à ton ego à soir en arrivant. T'sais, si tu trouves que je suis en retard, parlons-en, mais pas au niveau... Si les deux individus parviennent à être capables de parler sans leur ego, la 95% de toutes les pertes d'énergie que l'on vit en relation de couple va s'en aller. Et qu'est-ce que c'est que l'évolution? C'est l'accumulation d'énergie. Qu'est-ce qui fait qu'on comprend mieux à un moment donné? C'est qu'on a plus d'énergie. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'aptitude à être heureux? À sourire, à être joyeux, c'est avoir de l'énergie. Fatigué, on ne l'est pas. Mais fatigué psychologiquement, on ne l'est pas non plus. Puis la fatigue psychologique, elle draine l'énergie du corps physique, on ne l'est pas non plus. Qu'est-ce qui fait qu'on est fonceur? Pas imbécilement, mais qu'on est capable d'y aller. Qu'est-ce qui fait qu'on est capable, par exemple, de gouverner un pays, puis le gouverner? De l'énergie. C'est pour ça que tu le sais, j'ai quelqu'un à qui je voudrais envoyer une cassette. Deux cassettes. Ça te nous ralentit. Ouais. L'énergie est ce qui manque à l'humain. Que vous voulez travailler, vous cherchez une idée géniale, vous avez l'idée, vous avez de la difficulté à la restructurer, vous avez de la difficulté à l'appliquer. Ça s'en passe, mais il devrait y avoir de la souvent, trafic. C'est ce qui va arriver. Elle est là, écrit là tout de suite, fait quelque chose, elle va s'en aller, elle t'appartient pas de toute façon. Tu peux la ramasser. Alors, la grosse problématique, c'est une question d'énergie. Dans les couples, c'est souvent la même chose. Quand il y en a un des deux dans le couple, n'importe lequel, c'est dans les deux, disons, qui sont en conscientisation. Ouais, toujours l'autre. Ouais, disons que l'autre est plus intelligent. À partir du moment où l'ego ne s'exprime pas de un des deux dans le couple, il peut pas y avoir de chicane tellement longue. Un ego qui parle tout seul, il va finir. Oui, mais il peut y avoir une guerre qui va faire en sorte que le couple va se séparer. Si possiblement, mon ego, mais celui qui n'a pas exprimé d'ego, lui, il ne se drainera pas. On ne doit pas préserver un couple au détriment des individus qui constituent le couple. Donc, c'est mieux que ça se sépare, ça laisse se séparer, que de continuer à se taper dedans pour se séparer plus tard avec encore moins d'énergie. Exactement comme vous perdez de l'argent dans une entreprise. Retirez-vous. Attendez pas d'être totalement à sec. Vous allez de toute façon finir par partir. L'humain... préserve, c'est les égrégores, évidemment, parce que je dis souvent qu'il y a plusieurs couples, c'est des enclumes l'un pour l'autre, ils s'enclument l'un l'autre, hein, c'est un poids, tu sais, bon, ils s'enclument. Il y a des couples qui sont extrêmement beaux, je connais quelques rares couples que ça va bien, hein? Ça va peut-être encore aller bien pendant une couple d'années, peut-être tout le temps aussi. Ce qui est très important, c'est de constater qu'on est toujours deux chez soi. Puis en amour, c'est évident, parce que l'amour, qu'est-ce que ça fait? Vu que c'est un amour qui est en majorité au niveau de la psychologie, donc de l'expérience puis de la mémoire, plus vous expérimentez la présence de quelqu'un, plus vous avez besoin de cette présence-là. Prenons l'exemple. Vous rentrez à l'hôpital, vous travaillez, puis il y a un portier. Vous lui dites bonjour, c'est tout. Pendant 20 ans, vous travaillez là. Puis après 20 ans, le portier, il s'en va, il est à la retraite. Il va vous manquer. Vous ne le connaissez pas. Non. Mais quand vous rentrez, puis là, il y a une partie que l'ego s'attend à se nourrir quand il arrive à l'hôpital, qu'il ne nourrit plus. C'est l'amour. Lorsque l'humain vit, évidemment, il y a l'amour psychologique, celle qu'on explique un peu ce soir, qui fait qu'on perd de l'énergie. Il y aura de l'amour mental qui va faire en sorte qu'on va être capable de voir la logique chez un individu puis de tomber en résonance harmonique avec sa logique. Il y aura de l'amour supramental, de l'amour intelligent qui va faire en sorte qu'on va tomber avec l'esthétisme de l'individu. Et quand je parle d'esthétisme, c'est une grande partie qui détermine chez nous la vision de la beauté de quelqu'un. Je dis souvent que pourquoi on trouve une personne belle, c'est que notre cerveau va ajuster, va corriger tous les défauts. Plus on connaît une personne, plus elle va devenir belle. Bon. Il y a donc d'autres formes d'amour qui, elles, nous amènent de l'énergie. Il y a la forme traditionnelle qui, elle, fait qu'on en perd de l'énergie. Si on est capable, entre couples, par exemple, même entre amis, de discuter et de régulièrement, chaque fois qu'on commence à se réchauffer, s'il y en a un des deux, et c'est un bon truc, c'est un truc, ça ne fait pas évoluer, ça fait qu'on perd un peu d'énergie. Quand j'étais très, très jeune, c'est ce que je faisais avec un de mes amis, parce qu'on passait notre temps à s'engueuler, on était deux qui évoluaient, là, on avait deux philosophies très, très pareilles, mais avec des points de vue assez différents, ce qui fait qu'on était toujours en train de s'obstiner puis finalement de s'engueuler. Et on avait trouvé un truc particulier, c'était, on posait une question mathématique. 1 + 1. Alors, par exemple, Dieu existe. Ben, s'il existe Dieu, là, il est mieux de... Puis là, on y allait, puis là, on commence à s'engueuler. Puis là, il y en a un des deux qui disait 1 + 1. Ça voulait dire, hey, on est totalement perdu. On n'est plus dedans du tout. Arrêtons. Chut. Et on s'est mis d'accord. C'est une mécanique d'intervention, ça? Oui, on s'est mis d'accord. Là, ce qu'on a découvert rapidement, c'est que c'est l'ego de celui qui veut le plus avoir raison qui dit le 1 + 1. Dieu existe! 1 + 1! Là, t'as foutu de thèse. Alors, ça créait une coupure, comme au bistouri, direct au niveau de l'ego. Vous essayerez, vous allez voir que l'ego, l'âme, travaille en tabarouette. Imagine-toi les voisins qui écoutent dans l'autre appartement, qui sont en train de s'engueuler, les meubles volent, puis il y en a un qui dit 1 + 1! Après ça, il y a la petite musique, ça à l'autre voisine. Voilà. Non, les voisins, on s'en fout des voisins. Bon, qui se démerde? Bon. Juste à le dire pas trop fort. 1 + 1. Parce que c'est ça. Mais l'extérieur, on l'oublie. C'est la famille, n'importe quoi. On commence avec soi-même. C'était extrêmement fonctionnel, mais c'était difficile pour l'ego. Qu'est-ce qui était difficile pour l'ego? Pas de dire 1 + 1, mais de dire 2. Par contre, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait des tendances à... ouais, là, c'est pas juste, là, hein? C'est parce que j'ai raison que tu dis ça. 1 + 1. Que l'autre ait tort ou que l'autre ait raison, ce que sa bouche exprime est intelligent. De toute façon, on perd de l'énergie et on n'est pas en discussion d'être humain. Est-ce qu'à chaque fois que la voix s'élève, c'est une perte d'énergie ou s'il y a une voix qui peut ne pas être une perte d'énergie? Si la voix est émotive, oui. Si la voix est mentale, non. Puis de temps en temps, je parle, j'ai une voix qui porte, ça va bien. Puis quand je l'astralise, les gens rient. Il y a une nuance, tout le monde la voit. Alors, il y a une façon de voir la voix, si elle est mentale ou astrale, puis ça se décode progressivement. Mais une chose certaine, c'est que si on n'est pas sûr, baissons le ton. C'est très difficile de s'engueuler à voix basse. Bon. Mais ce qui est extrêmement important au niveau de cesser de perdre de l'énergie, c'est de faire des mécaniques d'intervention qui vont avoir la caractéristique d'être capable de nous permettre, nous, en tant qu'êtres humains intelligents, de passer par-dessus tout ce qui nous manipule par en dessous. Il n'y a personne ici qui aime s'engueuler. Il n'y a personne qui aime s'inquiéter. Il n'y a personne qui aime chialer après l'autre. Je connais des parents, moi, quand leurs enfants sont en retard ou leur enfant faillit se casser la marboulette, l'enfant arrive sain et sauf, le parent l'engueule. Il donne une tape. Pourquoi? Ben oui, parce que l'ego a souffert de la peur de perdre l'enfant. Il n'aurait pas pu s'en alimenter un bout de temps. Fait qu'il punit l'enfant parce que je ne veux plus jamais que tu me fasses vivre ce genre de choses-là. Je dis encore une fois, plus les gens s'aiment comme ça, moins il y a de respect. Bon, moi, je suis content quand les choses vont bien. Il y a des personnes qui crient parce qu'ils ont pensé que ça pourrait aller mal. Mais là, ça va bien. Crie pas, ça va bien. Oui, mais ça aurait pu que... Bon. Puis ça, j'en ai rencontré énormément d'individus. C'est toujours avec. Oui, mais ça l'aurait pu que. Tu sais, on sait pas ce qui aurait pu se passer. Puis t'aurais pu aussi bien. Mais j'ai pas. Oui, mais profite donc des occasions qui passent. Tout est beau. C'est comme tu sors dehors et fais soleil. Ouais, mais il aurait pu pleuvoir toute la journée. Bon, mais il y a des humains qui vivent exactement la même chose, toujours en fonction de leur amour. Elle est biologique. Vous ne devez plus laisser votre caractéristique, votre capacité, votre qualité d'aimer s'exprimer par le corps physique sans arrêt. Parce qu'on perd énormément d'énergie. Sans, on en perd. Prenons l'exemple. Vous avez quelque chose à dire à votre conjoint ou à votre conjointe. Vous savez qu'elle ne le prendra peut-être pas comme il faut. Un exemple, je veux qu'elle cesse de manger de l'ail, parce que là, on est, tu sais, ça sent l'ail, on peinture, puis ça sent peinture à l'ail, bon. Et puis, là, vous devez lui dire. Tu sais qu'elle ne prendra pas, il faut que tu dises. Elle, c'est une philosophie de l'ail. L'ail du poisson, l'ail du verso. Exactement, c'est ça, puis c'est ça. Bon. Alors, elle est rentrée là-dedans. Là, tu t'approches de la personne, puis là, on s'est fait des idées. On va faire attention quand même, puis on va lui faire comme il faut, bon, etc. Alors, tu lui dis, écoute, j'ai quelque chose de particulier à te dire, là. Je veux pas que tu le prennes mal. On prépare. C'est pas pire. Je veux pas que tu le prennes mal, déjà. Ouais. Mais des fois, ça l'aide. Là, je dis pas ça à cause que je veux prendre, tu sais, bon, dépendant comment est l'autre. On le connaît, l'autre, à un moment donné, là. Bon, on y va. Il faudrait que tu cesses de manger de l'ail. Puis là, l'autre, là, immédiatement, là, sa philosophie vient d'être attaquée. Le dieu ail prend de l'ail. Et elle commence à crier. Un petit peu. Alors, toi, tu... Bon, non, minute, non, mais calme-toi, tu t'excites encore, là. Là, c'est en train de perdre votre énergie. Et dans 5 minutes, vous ne saurez même plus ce que vous vouliez lui dire. Je parle clairement. Tout le plan, là, il sera plus dedans du tout. Et là, la personne commence à monter ses grands chevaux, là, elle se promène dans la maison, elle s'en va ailleurs. Hey, tu pourrais m'écouter quand je te parle. Bon, puis là, le chicane est parti. Il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il y en a un des deux qui n'a pas su conserver son niveau mental d'énergie. Donc, être lucide, être là. Pendant la chicane. Parce que quand les deux humains sont là, pendant qu'ils chicanent, ils sont pas là, ils sont ailleurs. Ils sont loin, en tout cas. S'il y avait eu la petite machine de connecter sur les doigts... Ça, c'est la meilleure farce à faire, ça, c'est qu'on s'en va s'en greffer une. J'ai quelque chose à te dire, mais plug-toi ça avant. Ouais. Non, on s'en connecte un tous les deux. Ouais. Ouais, c'est correct. Et oui. Et puis, on commence à parler, puis ça va commencer à chanter. T'arrêtes. Quand ça monte trop, t'arrêtes de parler. Puis après ça, si vous voyez le voisin là, avec un gros bleu sur le front, là, c'est parce que la machine, sa femme y a tiré ou son mari y a tiré. Ce sont des mécaniques qui fonctionnent énormément. La première chose à faire, c'est de s'amener des mémoires d'intervention dans le genre 1+1 où il fait beau dehors ou n'importe quoi, le soleil. Se trouver un mot-clé qui désamorce totalement une situation qui n'est pas voulue par aucun des deux parties. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un, il y a énormément de relations affectives, des relations énergétiques, de l'énergiopathie, c'est de l'amour. Il y a une grande partie de cet amour-là qui est totalement colorée et qui est renforcée dans la coloration par la mémoire. C'est-à-dire qu'on aime beaucoup plus en fonction de ce qu'on a aimé de l'autre que de ce que l'on perçoit présentement de l'autre. Donc, on aime avec le passé. On aime au passé. On a une grande caractéristique. On aime énormément dans l'instantané. Mais ce que l'on exprime dans notre conscience et dans le vécu, souvent dans le corps physique, c'est du passé. Et c'est ce qui va engendrer les chicanes. D'ailleurs, de toute façon, quand on a une chicane, c'est pas long qu'à un moment donné, on recule assez loin. Lorsque on vit, pour vivre une relation d'amour où on ne perdra pas d'énergie, on doit s'arranger pour ne pas que l'atmosphère se réchauffe trop. Comme présentement, c'est chaud, tu sais, il faut faire attention. On doit faire attention pour que les deux individus, ou les trois, ou la famille au complet, fonctionnent uniquement au niveau d'une logistique et non pas au niveau d'avoir raison, au niveau de la mémoire. On veut avoir raison beaucoup plus sur les êtres que l'on aime. On est souvent beaucoup plus irrespectueux avec les êtres que l'on aime. On est plus exigeant aussi. Beaucoup plus exigeant, beaucoup plus violent, beaucoup plus direct, mais pas, c'est un direct du gauche. Plus on les aime, plus on a cette caractéristique de se foutre d'eux. Je donne un exemple. Moi, je vais faire un tour chez vous, vous m'invitez. Probablement que si vous le savez une journée d'avance, quand je vais arriver chez vous, ça va être propre. Mais si je deviens un de vos grands amis, Probablement que quand je vais aller chez vous, à un moment donné, ce ne sera plus aussi propre. Et je suis un invité de Marc. Et vous, je reste à dormir. J'aurai un lit propre. Il vient à un moment donné, ou si c'est toujours la même personne, un grand ami, quand il vient, ben à un moment donné, ouf, que nous, d'être couché dedans ou pas avant, il n'y a pas besoin à un moment donné, c'est plus, tu sais. Il y a énormément de choses. Je suis un invité, la personne qui fait la cuisine, l'homme ou la femme, fera attention, puis servira convenablement. Mais maintenant, entre nous autres, on mange comment, on se fait la cuisine comment, on se sert comment. Je suis l'invité, je m'assois devant la télévision. À un moment donné, je regarde la chaîne, qu'est-ce que vous allez dire? Oh, si tu veux changer de poste, gêne-toi pas. C'est quelqu'un de la famille, il est mieux de pas changer de poste, lui. Il y a cette mécanique qui est importante à reconnaître, c'est qu'on devrait vivre en ami, en amour, comme si on était des amis. Puis comme si on était des amis d'aujourd'hui. Il faudrait pas plus donner de privilèges. Moi, j'ai toujours trouvé que, comme tu le dis, on donne des privilèges aux invités. Si on est capable de s'ajuster suffisamment rapidement, si on traitait les invités comme le reste des membres de la famille, probablement qu'il n'aurait pas souvent de visite, mais ça pourrait placer les choses peut-être dans un équilibre plus raisonnable. C'est-à-dire ce que l'on doit faire, on doit encore une fois être conséquentiel. Bon, j'invite un invité de marque, mais la vaisselle n'est pas faite. Tant pis, il n'y a pas s'asseoir dedans. Bon, sauf que c'est évident que si je sers à manger, je vais m'arranger pour le servir dans quelque chose de propre. Un exemple, vous prenez un couteau et vous l'échappez à terre. À l'invité de marque, allez-vous lui servir le couteau? À votre femme, votre mari ou vos enfants, peut-être. Certains ne le font pas avec le couteau parce qu'ils ont une inhibition là-dessus, mais on va le faire avec d'autres choses. Par exemple, l'invité de Marc, il va prendre une douche. Ça lui donne une serviette propre. Mais les autres qu'on connaît, c'est propre. Quand on se suit avec, on est propre, on se lavait avant. T'sais. C'est pas faux, mais je parle au niveau de la façon dont on procède. Et on doit s'arranger pour maintenir une qualité pour soi et pour ceux avec qui on vit, donc on fonctionne écologiquement, intelligemment. On va perdre énormément moins d'énergie. On désamorce les disputes idiotes immédiatement avec une phrase clé qu'on devrait amener. Puis on doit s'y restreindre. Quand quelqu'un dit 1+1, dites 2, puis ça veut dire qu'on parle plus avant 5 minutes. Vous allez voir que quand on est refroidi, c'est plaisant. Mais les égos vont travailler au début, ça c'est évident. On pourrait aussi dire, est-ce que je dirais ça à un ami, une mécanique d'intervention? Ouais, mais là on n'a pas le temps, l'autre client.